بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous poursuivons notre lecture dans cette رسالة de l'imam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول وأدلتها، avec le commentaire de l'imam Abdel Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Donc nous avons vu les exemples qu'il a donné rahimahullah sur les différentes catégories de l'adoration. Il a cité comme exemple d'adoration ad-du'a, et il a cité également Al-Khawf. Et nous avons vu les différentes catégories de Al-Khawf, à savoir Khawf al-Sir, qui est une adoration qui doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Khawf, Al-Khawf, ce que Cheikh rahimahullah appelait Khawf al-Asbab al-Hissiyya, avoir peur des causes réelles, mais avoir peur de ces causes-là. Et il nous a montré que ceci est interdit. Et la troisième catégorie, donc ça c'est avoir peur des causes. Mais par contre, la troisième catégorie, al-khawf al-tabi'i, la peur instinctive, comme la peur du lion et du serpent, ceci est une peur autorisée. C'est pas blâmable, comme cette peur n'est pas louable, ni blâmable ni louable, car c'est une peur qu'on ne contrôle pas, instinctive chez l'être humain. Et pour résumer cela, la peur qui te conduit à une obéissance à Allah Azza wa Jal, c'est une adoration. Et la peur qui fait que tu tombes dans un péché, c'est un péché. Et la peur instinctive est autorisée. Ensuite, il a dit, rahimahullah, par rapport à la troisième, le troisième exemple d'adoration qui a été cité, al-raja. Wad-dalilu ala al-raja'i qawluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan saliha, wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. La preuve au sujet de l'espoir réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens des versets, que celui qui espère la rencontre de son Seigneur fasse bonne œuvre et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. قال الشيخ بن باز رحمه الله وهكذا الرجاء عبادة لله تعالى فيرجو الله ويحسن به الظن كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي ainsi l'espoir est une adoration, est une adoration. Il espère son Seigneur tout en pensant du bien de lui, tout en pensant du bien de son Seigneur et en ayant une bonne opinion de son Seigneur, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens des versets, que celui qui espère la rencontre de son Seigneur fasse bonne œuvre et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. فَالرَّغْبَةُ إِلَيْهِ وَرَجَاءُ مَا عِنْدَهِ عِبَادَةٌ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Et de la même manière, le fait d'espérer et de désirer ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est une adoration. C'est une adoration. Comme Allah Azza wa Jal a dit, dans le sens rapproché des versets, il concourait au bien et nous invoquait par désir intense et par crainte. Ils étaient humbles devant nous. Ils étaient humbles devant nous. فالرغب الرجاء والرهب الخوف وكلاهما عبادة وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه ويعمل بالأسباب الشرعية وإن الظن الحسن مع الأخذ بالأسباب يعود على العبد بالخير وبالرحمة وبدخول الجنة وبمغفرة الذنوب. Il dit رحمه الله que le désir intense, c'est l'espoir. Et le désir intense, c'est l'espoir. De la même manière que Ar-Rahab, qui est l'effroi, synonyme de la peur, ce sont des adorations. Et le serviteur se doit d'avoir une bonne opinion de son Seigneur et de prendre en compte les causes légiférées. De prendre en compte les causes légiférées. Et le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal tout en prenant en compte les causes, ça revient avec le bien sur le serviteur. Ça, c'est un bien pour le serviteur. Donc tout ça, ça ne fait que rapporter le bien pour le serviteur, la miséricorde et l'entrée au paradis et également l'expiation des péchés. Entre parenthèses, Cheikh Ibn Baz rahimallah a dit que Ar-Rahba est synonyme de Raja, comme Ar-Rahba est synonyme de la peur. Sans aucun doute, Ar-Rahba, c'est une forme d'espoir. Et Ar-Rahba également est une forme de peur. Mais d'autres hommes de science, comme Ibn al-Qayyim rahimallah dans Madarij al-Salikin, disent qu'il y a une nuance entre Ar-Rahba et Ar-Raja. Ar-Rahba, c'est un espoir accompagné d'œuvres. Et également Ar-Rahba, c'est une peur accompagnée d'œuvres. Donc Ar-Rahba, c'est un espoir accompagné d'une adoration. Et Ar-Rahba également. Ensuite, il est passé à une autre adoration très importante dans la religion de l'islam, qui est, comme il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, la pulpe du tawhid. C'est at-tawakkul. Il a dit « Wa hakadha at-tawakkul ibadah, wa huwa at-tafwid ila Allah azza wa jalla wa al-i'timad alayhi fi kulli al-umur. » والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب فتعتمد على الله في السلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة والنجاة من النار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه. De la même manière, at-tawakkul, qui est le fait de placer sa confiance de placer sa confiance entièrement en Allah Azzawajal et de déléguer à Allah Azzawajal ses affaires, de déléguer à Allah Azzawajal toutes ses affaires avec soumission et de compter sur lui tout en prenant en compte les causes. Tout en prenant en compte les causes, bien évidemment, légiférées. فَتَعْتَمِدُ عَلَى اللَّهِ فِي السَّلَامَةِ مِنَ الشَّرِّ. Et donc, tu places ta confiance en Allah et tu reposes sur lui afin de te préserver du mal et de te préserver des fitnes, des troubles et tentations, et pour t'accorder la subsistance, tu comptes sur lui également pour aller au paradis et être sauvé de l'enfer, tout en effectuant les causes légiférées. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant, dans l'autre verset, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. C'est-à-dire, Allah lui suffit. Fawa hasbuh, ça veut dire qu'Allah azzawajal lui suffit. Et celui qui a été suffi par Allah azzawajal, il n'aura besoin de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهكذا الرغبة والرهبة والخشية من الله كل هذه عبادات كل هذه عبادات قال تعالى عن الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يعني خائفين يخشون الله ويخشون ويخشعون لعظمته Et de même, le rahba, comme on a vu, qui est le désir et l'espoir intense, et rahba, qui est une forme de khawf, avec acte, et le khashia, qui est la crainte d'Allah Azzawajal. Tout ça, c'est des adorations. Allah Azzawajal a dit dans le sens des versets, en décrivant les prophètes et les pieux et les vertueux parmi ses serviteurs, il a dit « Ils concouraient au bien et nous invoquaient par désir intense et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. » C'est-à-dire qu'ils étaient craintifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils avaient peur d'Allah Azzawajal, humbles devant sa majesté. C'est-à-dire qu'il faisait preuve d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَكَذَا الْإِنَابَةُ عِبَادَةُ قَالَ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَالْإِنَابَةُ مَعْنَاهَا الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ وَالتَّوْبَةُ إِلَيْهِ وَالْإِسْتِقَامَةُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ فَهَذِهِ عِبَادَةٌ لِلَّهِ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَن يُنِيبُوا إِلَى اللَّهِ وَيَرْجِعُوا إِلَيْهِ وَيَتُوبُوا إِلَيْهِ. Il a dit également l'inaba. L'inaba, on va voir comment il l'a expliqué, cher Ibn Baz, rahimallah. C'est des mots qu'on ne peut pas traduire par un autre mot. Si on dit l'inaba, c'est le repentir, on a fait de l'inaba un synonyme du repentir. Alors que l'inaba, c'est un repentir et plus. C'est un repentir et plus. Écoutez ce que Chéri dit, rahimallah, après la parole d'Allah Azzawajal. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez, repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Il a dit, Al-Inaba, ça signifie de revenir vers Allah. Et de se repentir et de se conformer et d'être dans son obéissance et de suivre la droiture. Ceci est une adoration pour Allah. Vous avez vu ce que c'est l'inaba, tout ce que ça comporte. Ça comporte le repentir et le retour vers Allah et l'istiqama, le fait de se conformer à la droiture, à la religion d'Allah Azza wa Jalla. Donc l'inaba, c'est un repentir tout en se conformant à la religion d'Allah Azza wa Jalla. Le devoir des gens, c'est de se repentir à Allah Azza wa Jalla et de revenir vers lui et de se conformer à sa religion et d'être dans son obéissance. وهكذا الاستعانة عبادة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله فيستعين العبد بالله فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك اللهم أعني على طاعتك اللهم أعني على كل خير إلى غير هذا تستعين بالله في كل المهمات. Et de même, l'isti'ana est une adoration. Le fait de demander de l'aide, isti'ana, comme vous savez en arabe, de manière générale, mais après il y a des exceptions, mais de manière générale, les mots qui commencent avec sin et ta, comme l'isti'ana, isti'ana, sin ta, istighatha, isti'aza, ainsi de suite, ça, c'est la demande d'une chose, de ce qui suit. Isti'ana demande de l'aoun, de l'aide. Istighatha demande de l'raouth, demande du secours. Isti'aza demande de l'aoun, la protection, et ainsi de suite. Donc, de manière générale, quand vous voyez des mots comme ça, sachez que c'est une demande. Donc il a dit, Cheikh, rahimahullah, l'isti'ana est une adoration, c'est une ibada. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Et dans le hadith, si tu demandes de l'aide, si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur doit demander l'aide à Allah azza wa jalla. Tu dis, ô Allah, aide-moi à faire ton rappel et à t'être reconnaissant. Ô Allah, aide-moi pour ton obéissance. Ô Allah, aide-moi dans tout bien. Et ainsi de suite. Tu demandes à Allah l'aide dans les choses importantes. Entre parenthèses, c'est ce que notre prophète alayhi salam a enseigné à Mu'adh radiallahu anhu. Il lui a dit, ô Mu'adh, par Allah, je t'aime en Allah. N'oublie jamais de dire, après chaque prière, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ça, c'est une dua qu'on ne doit jamais délaisser dans notre salat. Avant ce salam, de dire اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. C'est une dua que le Nabi عليه الصلاة والسلام a enseigné à un compagnon qu'il aime énormément, tout en lui disant qu'il l'aime énormément. Donc, il lui choisit la meilleure des duas, comme celle-là. Et une chose fait penser à une autre, une dua que je ne loupe pas une occasion de rappeler aux gens que j'aime, de la dire tout le temps dans leur prière, et que ce soit présent dans toutes leurs invocations. C'est une dua que le Nabi a enseigné aux compagnons, radiallahu anhum. Il leur a dit, quand il leur a parlé du shirk et de sa minutie et de sa subtilité, et à quel point il est subtil et caché, Sahaba radiallahu anhu ont dit au messager d'Allah, comment s'en préserver? Il leur a dit, il leur a enseigné de dire cette dua. Il leur a dit, dites, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Demandez à Allah le pardon pour le shirk qu'on connaît et dont on a conscience, et de demander à Allah de chercher refuge auprès d'Allah de commettre le shirk, tout en sachant, et de lui demander le pardon pour le shirk qu'on a commis et dans lequel on est tombé sans nous rendre compte. Ça, dites-le dans toute salat, dans toute rak'a, dans toute invocation, toujours disait aussi cette dua. Et la règle par rapport à salat, tout ce qui est dua, ça se dit avant salam. Et tout ce qui est évocation, tout ce qui est invocation, avant salam. Et tout ce qui est évocation d'Allah, dhikr, ça se dit après salam. Car vous trouvez dans des invocations que ça se dit fait dobor salat. Dobor, c'est le derrière de la chose, la fin de la chose. Après, est-ce que c'est sa fin après salam ou juste avant salam? La règle, c'est que ce qui est invocation, ça se dit avant salam. Car Nabi Isa salam, il faisait l'invocation avant salam. Et ce qui est dhikr, évocation d'Allah Azza wa Jal, et rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se dit après salam, car c'est là où Nabi Isa salam disait, et il faisait le rappel après salam. Je ferme la parenthèse. وهكذا الاستعاذة عبادة أن تستعيذ بالله من الشرور أن تستعيذ بالله من الشرور وتلجأ إليه كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس فالاستعاذة بالله من الشيطان فالاستعاذة بالله من الشيطان ومن كل مؤذن ومن كل عدو أمر مأمور به كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الشيخ أدي أبري de l'adoration suivante qui a été citée par l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui est l'isti'adha. L'isti'adha, c'est la demande de l'aoud. Et l'aoud, c'est la protection et le refuge. Il a dit, c'est une adoration de chercher refuge et protection auprès d'Allah contre tous les maux. Et se réfugier auprès d'Allah, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, dans le sens du verset, dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Et il a dit, également dans l'autre verset, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Donc, la demande de protection et la recherche de refuge contre auprès d'Allah, contre Shaitan et contre toute chose nuisible et contre toute chose nuisible et contre tout ennemi et quelque chose de demandé, comme Allah Azza wa Jalla dit wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Et si jamais le shaitan t'invite à faire du mal, cherche refuge auprès d'Allah. وهكذا الاستغاثة عبادة أن تستغيث بالله في الشدائد من عدو أو تطلبه إنزال الغيث المبارك أو بكشف الضر كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Et ainsi pour l'istirata, qui est la demande de secours. L'istirata, entre parenthèses, c'est une invocation, c'est une dua, mais dua dans une situation particulière, qui est la situation de détresse et de grande difficulté. Donc, l'istirata également est une adoration que tu demandes à Allah, Azza wa Jal, dans les difficultés. Tu lui demandes de secours contre ton ennemi, ou tu lui demandes de faire descendre son secours béni, tout en levant le mal par lequel tu es touché, comme Allah Azza wa Jal a dit. Dans le sens du verset, lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, et qu'il vous répond aussitôt, وهكذا الذبح عبادة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Et de même pour le sacrifice qui est une adoration. Immoler une bête pour Allah Azza wa Jalla est une adoration. Comme Allah Azza wa Jalla dit قل إن صلاتي ونسكي. Dans le sens rapproché des versets, dit ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de l'univers. Le sacrifice est une adoration. Et dans le hadith, لعن الله من ذبح لغير الله. Qu'Allah maudisse celui qui immole et qui sacrifie pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Car le sacrifice est une adoration qui doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et dans le sacrifice, entre parenthèses, sachez qu'il y a deux adorations. Il y a l'immolation de la bête et il y a le fait de l'immoler au nom d'Allah Azza wa Jal. Donc deux adorations. La première, c'est de prononcer le nom d'Allah avant de tuer la bête. Et la deuxième adoration, c'est le fait de faire couler le sang de la bête. Ihraq al-dam. Donc les deux, ce sont des adorations. Il peut y avoir du shirk dans les deux. Quelqu'un peut sacrifier une bête pour Allah Azza wa Jal, sincèrement pour Allah, non pas pour une tombe ou pour un soi-disant saint ou un allié ou autre, ou pour un djinn, afin de ne pas lui faire du mal. Il peut la sacrifier pour Allah Azza wa Jal. Mais au moment où il la sacrifie, il dit au nom d'Allah et au nom de Sidi Antel, celui-là est tombé dans shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Et le deuxième cas, c'est qu'il peut prononcer uniquement le nom d'Allah, mais il cherche par cet acte de sacrifice et par cette immolation, il cherche à se rapprocher du saint untel ou de Sidi untel. Celui-là également est tombé dans le shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Et tawhid, c'est de sacrifier au nom d'Allah pour Allah. Ça, c'est dans le cadre du sacrifice et de l'immolation qui représente une adoration, telle que ce qu'on sacrifie pour l'Eid et dans le cadre du pèlerinage, de l'Hajj, l'Umra, ce qu'on sacrifie pour l'Aqiqa, ce qu'on sacrifie pour la fête du mariage, le walima, tout ça c'est des sacrifices d'adoration. Et il y a le sacrifice autorisé, qui n'est pas une adoration. Yani le fait de couler le sang, c'est pas une adoration. Mais l'adoration, c'est uniquement de prononcer le nom d'Allah. la bête consacrée qu'on tue pour manger sa viande. Mais l'adoration, ça vient quand on met une autre intention supplémentaire. Par exemple, je tue une bête pour manger et pour faire sadaqa. Là, je serai récompensé pour cette intention. Ou pour honorer mon invité. Également, je serai récompensé pour cette intention. Et l'adoration de shirk et le sacrifice de shirk, c'est un des deux cas que je vous ai cité. Ensuite, il a dit, وَهَاكَذَا النَّذْرُ عِبَادَةً قَالَ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. الآية قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. Également, le vœu est une adoration. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, ils accomplissent leurs vœux. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, quelles que soient les dépenses que vous faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Et dans le hadith, Allah le sait, les hommes de science disent, Allah il sait votre acte. Si c'est un tawhid, vous serez récompensé. Et si c'est du shirk, vous serez châtié. Vous serez châtié. C'est ça la signification qu'Allah le sait. Allah il le sait, il sait toutes choses. Mais vous serez rétribué selon votre acte, si c'est du tawhid ou du shirk. Et dans le hadith, Nabi alayhi salam a dit, dans le sens du hadith, quiconque fait un vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et quiconque fait un vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. Donc l'adoration, cher, il poursuit en disant le nadr, à savoir le vœu. Le vœu, pour vous résumer, je vais le dire quand je vais finir la parole du cher, il a dit, le vœu est une adoration, obéissance à Allah. Celui qui le fait, il doit l'accomplir. Il doit l'accomplir. Mais un nadr est détestable. C'est un acte détestable de faire un nadr. Car tu t'imposes des choses qu'Allah ne t'a pas prescrites, qu'Allah ne t'a pas rendu obligatoire. Tu te rajoutes des obligations en faisant un nadr. Ça devient obligatoire pour toi l'accomplissement de ton nadr. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a interdit de faire le nadr. Et il a dit, Inna al-nadr la ya'ti bi khair. Il a dit dans le sens de ce hadith, le nadr n'apporte aucun bien. Walakin, idha nadr ta'atan lazimahu al-wafa. Par contre, s'il fait un vœu dans lequel il y a une obéissance, un vœu de jeûner 3 jours pour Allah, un vœu de d'immoler une bête pour Allah et de la distribuer aux pauvres, un vœu d'aider quelqu'un à se marier, un vœu de faire un acte de bien, ça devient obligatoire pour lui de l'accomplir et de le respecter. Pour le hadith qui a précédé, celui qui a fait un vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. C'est un ordre. S'il fait un vœu de jeûner, de prier, de faire sadaqa, ou autre parmi les adorations, il est obligatoire pour lui de le respecter et de l'accomplir. Par contre, nadr, dans la désobéissance, fin de la parole de Cheikh. Par contre, nadr, dans la désobéissance, quelqu'un fait un nadr de ne pas parler 24 heures. Ceci n'est pas autorisé, comme dans le hadith. Sahabi qui a fait ce nadr. Nabi alayhi salam, il lui a ordonné de faire une expiation, comme s'il avait juré. La même expiation que le jurement est de ne pas respecter ce nadr. Quelqu'un qui fait un nadr de voler, ou de mentir, ou de faire un péché, ou il fait un nadr, par exemple, d'affranchir un esclave qui ne lui appartient pas, il appartient à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas autorisé de respecter ce nadr. Il ne faut pas le respecter. Nabi alayhi sallam a dit, et celui qui fait un vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. C'est-à-dire qu'il ne le respecte pas, qu'il ne l'accomplisse pas, mais qu'il fasse une expiation. L'expiation, comme vous savez, c'est affranchir un esclave ou un esclave musulman ou jeûner, nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres. Et celui qui ne peut aucune des 3, il jeûne 3 jours. Et non pas jeûner 3 jours directement. Tu restes redevable de l'expiation si tu fais ça. Tu dois d'abord faire l'affranchissement, mais ça n'existe plus, ou faire, yani, nourrir 10 pauvres. Donner à chaque pauvre un repas complet. Ou les vêtir. Les savants, ils disent, les vêtir, c'est leur donner un habit qui couvre leur aura dans le salat. À tout un chacun, à 10. S'il n'a pas les moyens de faire ces choses-là, là, il peut passer au jeûne de 3 jours. Donc, pour vous résumer le nadr, sachez que nadr, il y a nadr absolu. Tu dis, je fais un vœu de jeûner pour Allah 3 jours. Il y a des savants comme Cheikh Hadi qui disent qu'il est détestable. Et d'autres, ils disent, celui-là n'est pas détestable. Celui-là n'est pas détestable. Et il y a le nadr de la contrepartie, al-muqayyad. Son exemple, c'est que tu dis, si Allah guérit mon malade, je jeûnerai 3 jours. Si Allah accorde la réussite à mon fils dans l'école, je donnerai une sadaqa de 500 euros. Et ainsi de suite. Ça, c'est détestable. Car, comme le Nabi alayhi sallam l'a décrit, il a dit, innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Ça, c'est l'avare qui fait ça. C'est l'avare qui dit, si Allah il me donne ça, je donne ça. Allah n'a pas besoin que tu dises ça. Mais même celui-là, si tu le fais, ça devient obligatoire pour toi. Tu dis, si Allah guérit mon malade, je jeûnerai 3 jours. Si le malade est guéri, c'est une obligation pour toi de jeûner 3 jours. Beaucoup de frères posent la question, est-ce que je dois les jeûner d'affilée? Si tu dis, je jeûne 3 jours, et tu n'as pas précisé d'affilée, tu peux les jeûner séparément. Et si tu dis, je jeûnerai 3 jours d'affilée, tu dois les jeûner d'affilée, selon ce que tu as dit. Donc voilà les adorations qui étaient citées comme exemple. Et comme je vous ai dit le cours passé, que beaucoup de gens, quand tu leur parles de tawhid, et que l'adoration, c'est le droit d'Allah exclusif, ils te disent oui. Mais par contre, tu trouves qu'ils vouent des adorations et qu'ils consacrent des adorations à autre qu'Allah, de par leur ignorance. Comme il a dit l'éminent savant d'Algérie, Cheikh Mubarak al-Miri, rahimahullah, il a dit, dans le sens de la parole, il a dit, « Ash-shirku لظهور حكمه وخفاء معناه تجد أكثر العامة ينفرون من النسبة إليه ومع ذلك يقعون فيه وهم لا يشعرون. Il a dit, rahimahullah, que shirk, tellement son jugement est clair et apparent, tout muslim sait que shirk est une grande injustice, est une mécréance. Mais par contre, ses sens et ses détails sont subtils, sont minutieuses. Ça demande l'apprentissage pour les connaître. Les différentes catégories de shirk. Le shirk caché, le shirk apparent, l'ostentation. Il a dit, c'est pour ça que tu trouves la plupart des communs parmi les muslimines, l'awam, tu trouves qu'ils qu'il refuse d'une manière très forte que tu les attribues au shirk, que tu lui dis, t'as fait shirk, t'es un mushrik. Il le refuse d'une manière très, très forte. Il le déteste que tu les attribues au shirk. Mais par contre, tu trouves qu'il tombe dans le shirk sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que shirk est subtil. Shirk, Nabi alayhi salam, il a parlé de la subtilité de shirk. Il a dit à quel point il est minutieux et subtil. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, dans le Qawl Mufid, de mémoire, quand il a commenté ce hadith dans lequel Nabi alayhi salam a parlé de la subtilité du shirk, il a dit, nous demandons à Allah de nous aider à ne pas tomber dans quelque chose aussi minutieuse et subtile. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, c'est très important de connaître shirk et d'apprendre ce que c'est shirk et ses différentes catégories de la même manière que vous apprenez le tawhid. Est-ce que c'est les adorations qui doivent être vouées à Allah Azzawajal? Car c'est en connaissant le shirk que vous connaissez, que vous allez connaître mieux et mieux le mérite de tawhid et l'importance de tawhid. Ensuite, il est passé, rahimallah, au deuxième fondement, à savoir la connaissance du serviteur de sa religion, la connaissance de la religion de l'islam avec les arguments. قال المؤلف رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. Le deuxième fondement, la connaissance de la religion de l'islam avec les arguments. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a commenté en disant هذا هو الأصل الثاني, ça c'est le deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam. Et l'islam est de trois degrés que notre prophète عليه الصلاة والسلام nous a clarifié. Le premier degré c'est l'islam qui est l'islam qui est la sincérité du culte pour Allah seul. Ça signifie la soumission à Allah avec l'adoration. Se soumettre à Allah en l'adorant et le spécifier avec toutes nos adorations seul. Seul, subhanahu wa ta'ala. Et désavouer le shirk et les gens du shirk. C'est ça l'islam. Et si le serviteur il fait cela, alors il s'est soumis à Allah. C'est pour ça, comme je vous ai dit peut-être dans d'autres cours dans Kitab Tawhid, que quand on dit musulman traduit par musulman, ça perd son sens. Ça n'a pas de sens musulman. Muslim, ça signifie soumis à Allah. Soumis à Allah. Muslim. مستسلم لله بالتوحيد منقاد له بالطاعة متبرئ من الشرك وأهله. C'est ça le muslim. Donc chéri dit, s'il fait cela, alors il s'est soumis à Allah. Il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est devenu soumis et humilié à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il a fait preuve d'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'est dévoué à Allah azza wa jal. Il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala avec l'adoration en dehors de toute autre chose que lui. Et il a désavoué les shirks et les gens du shirk. Allah Azza dit dans le verset, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque mécroit au taghout et croit en Allah aura saisi l'anse la plus solide. Aura saisi l'anse la plus solide, c'est-à-dire la plus solide de l'islam et de la foi, de l'iman. Le taghout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et nous allons le voir plus en détail dans la fin de cette risala. Inch'Allah ta'ala, si Allah Azza wa Jalla nous permet de la finir. Aimer croire au taghout, il dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, signifie de désavouer le shirk et les mouchriquines, et de le blâmer, et de croire qu'il est caduque, et de croire qu'il est caduque. Et ça, je le dis souvent, pour son importance, c'est parmi les fawaïd que j'ai pris des hommes de science, c'est que beaucoup de muslimines, et quand tu parles avec l'awam, souvent ils ont cette lacune. Beaucoup de muslimines, ils adorent Allah Azza wa Jal, mais ils désavouent pas al-kufr, al-kuffar. Ils ne croient pas que toute chose, ils ne croient pas que ceux qui adorent autre chose que qu'Allah Azza wa Jal, c'est des kuffar. Et ils les désavouent. Ou bien, ceux qui s'accrochent à autre religion que la religion de l'islam, ils ne croient pas que c'est des kuffar, tels que les juifs et les chrétiens. Il te dit, ce sont des gens du livre. Na'am, c'est des gens du livre, comme Allah a dit dans le Coran. Et c'est des kuffars, comme Allah a dit également dans le Coran. Il faut les désavouer. Et ça, c'est la religion de l'islam. C'est ça l'islam. Et malheureusement, certains égarés, très connus en France, ne connaissent même pas ce fondement de l'islam. Et ils commencent à faire des compromis sur le compte de leur religion, tels que Hada Tariq Ramadan ou d'autres, qu'Allah nous en préserve et nous garde de suivre leur voie égarée. Ensuite, Cheikh Rahimullah dit, il y a également un autre degré, qui est le degré de l'iman, et le degré de l'ihsan, de la bienfaisance. Tout ça rentre dans l'islam. Dans la religion de l'islam, c'est trois degrés. L'islam, la religion qu'Allah a légiférée pour ses serviteurs, et la religion avec laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé tous les messagers. Et le degré de l'islam, ça comporte les actes apparents. Les actes apparents. Un exemple que les savants disent pour expliquer l'islam et l'iman et l'ihsan, ils disent l'islam et l'iman et l'ihsan, ce sont comme trois cercles. Le plus grand de ces cercles, c'est l'islam. Et à l'intérieur de ce cercle, il y a un autre cercle plus petit et plus restreint, qui est le cercle de l'iman. Et à l'intérieur du cercle de l'iman, il y a un autre cercle qui est encore plus petit et plus restreint, qui est le cercle de l'ihsan. Donc toute personne qui rentre dans le grand cercle est devenue musulmane. Mais ce n'est pas parce qu'il est rentré dans le grand cercle que forcément il est dans les cercles à l'intérieur. C'est pour ça, tout muhsin est forcément mu'min et musulmane. Mais pas forcément tout musulmane a atteint le niveau de l'iman, qui est un niveau dans l'islam. Et l'islam, quand il est cité dans le même contexte avec l'iman et l'ihsan, l'islam il va désigner les actes apparents. Et l'iman il va désigner les actes du cœur. Et l'ihsan va désigner la perfection dans les deux. Et la bienfaisance dans les deux, dans les actes apparents et dans les actes du cœur. Les actes apparents, ce sont les actes des membres. Ensuite, il a dit, وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Et les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. Les deux attestations, les deux attestations de foi, shahadat an la ilaha illallah, ou shahadat anna Muhammad al-Rasulullah, et l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan, et le pèlerinage. Le pèlerinage vers le Kaaba, pour celui qui en a la capacité. Comme ceci a été rapporté dans le hadith du Nabi al-Salam, Bouni al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa iqam al-salat, wa ita'i al-zakat, wa sawm ramadan, wa hajj al-bayti, Donc, les cinq piliers, ce sont ceux-là. Comme ceci a été rapporté dans le hadith, ce hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage. فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وبها يدخل العبد في الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق، إلا الله، وهي نفي وإثبات، فلا إله نفي وإلا الله إثبات. Donc le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec attestation que le serviteur rentre dans l'islam. Le serviteur, notez bien mes frères, le serviteur rentre dans l'islam quand il prononce la parole « La ilaha illallah »« Muhammadur Rasulullah » les deux attestations de foi, tout en connaissant le sens. Pas comme font certains ignorants quand des gens, des koufars, viennent pour entrer dans l'islam. Ils leur disent tout simplement de dire « La ilaha illallah », de dire les deux attestations de foi et de les répéter derrière eux, sans leur expliquer le sens. Celui-là n'est pas rentré dans l'islam. Il faut lui expliquer ce que ça veut dire la ilaha illallah, ne serait-ce que d'une manière brève, lui expliquer ce que ça veut dire la ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est le droit d'Allah seul. C'est le droit exclusif d'Allah. On ne doit adorer personne en dehors d'Allah, ni ange rapproché, ni messager, prophète, ni pieux, vertueux, ni djinn, ni arbre, ni pierre, ni rien en dehors d'Allah. Le seul qui doit être adoré, c'est Allah. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah. Également la signification de Muhammad Rasulullah, nous allons la voir. Inch'Allah ta'ala. Personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et la ilaha illallah, il dit Cheikh, comporte deux piliers. La négation et l'affirmation. La négation de toutes les divinités. Quand tu dis la ilaha, tu nies toutes les divinités. Et tu rejettes toutes les divinités. Et tu mécrois en toutes les divinités. Et quand tu dis « Illallah », t'affirmes la divinité, t'affirmes la divinité et le droit d'adoration à Allah seul. Donc c'est ça la signification de la ilaha illallah. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Allah Azza wa Jalla dit dans l'autre verset, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء Il leur a été commandé cependant de n'adorer qu'Allah. On lui voit un culte exclusif. Et dans notre verset, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. C'est ainsi parce que Allah, lui, est le vrai, la vraie divinité, alors que ce qu'ils invoquent, c'est-à-dire ce qu'ils adorent en dehors de lui, est le faux. Son adoration, c'est l'adoration du faux. C'est une adoration caduque. C'est du shirk. L'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seule adoration valable, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma qawluha bidouni l'amal biha, fala tanfa, ka an yaqula la ilaha illallah, wa la yakhussu Allah bil ibadah, fa inna shahadatahu la tanfa, kal munafiqin, fa innahum yaqulunaha, wa la ya'taqidunaha, fa hum fi d-dark al-asfali min an-nar, fa alladhi yaqulu la ilaha illallah, wa ya'budu al-qubur wa al-asnam, la tanfa'uhu, bal hiya batila. Donc, il poursuit en disant, quant au fait de prononcer cette attestation sans l'appliquer, sans la mettre en pratique, ceci n'est pas valable, il dit Rahimallah. Ceci n'est pas profitable au serviteur, comme celui qui dit la ilaha illallah sans adorer Allah exclusivement. Il dit la ilaha illallah. Il adore autre qu'Allah avec Allah. Également le cas des hypocrites qui disent la ilaha illallah avec leur bouche, avec leur langue, mais ils ne croient pas en la ilaha illallah. Ils le disent uniquement par intérêt, pour préserver leur bien ou pour préserver leur sang ou pour autre intérêt. Mais dans leur cœur, ils n'y croient pas. La ilaha illallah, le fait de le dire avec la langue de cette manière, n'est pas profitable, n'est pas bénéfique pour la personne. Elle n'est bénéfique que pour celui qui l'a dit avec sa bouche, tout en y croyant avec son cœur et tout en la mettant en pratique avec ses membres. Il adore Allah seul, il n'adore personne en dehors d'Allah. Par contre, il dit la ilaha illallah, il va vers Sidi Atel, il lui demande de lui accorder une descendance, et il lui demande de lui faciliter ses affaires et de lui donner le travail et de lui donner le rizq. Celui-là n'a pas dit la ilaha illallah. Il l'a dit certes avec sa langue, mais il l'a contredit avec ses actes. Ça n'a aucune valeur pour lui. Elle est nulle pour lui. La deuxième attestation avec laquelle nous allons finir pour aujourd'hui, bi'idnillah, c'est l'attestation anna Muhammad al-Rasulullah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et dalil sur cette attestation, qawlu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya'ni Muhammadan alayhi salatu wa salam, ta'rifunahu li'annahu min anfusikum wa huwa min ashrafi qaba'ilikum min bani Hashim. Donc dans le sens du verset, certes il vous est venu un messager, لقد جاءكم رسول من أنفسكم, un messager qui a été choisi parmi vous. يعني, Allah veut dire, il désigne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que vous le connaissez, il est des vôtres. C'est pas, il vient d'ailleurs, ou là il est d'une autre espèce. Il est humain comme vous, et en plus vous le connaissez, Il a grandi avec vous, vous l'avez toujours vu avec vous. Et en plus, il est de la meilleure de vos lignées, de votre descendance. Il est de la meilleure, car il est des Bani Hashim. Nabi Isa salam est des Bani Hashim. Et Bani Hashim, c'est les meilleurs de Quraysh. Et Quraysh, ce sont les meilleurs des Arabes. Et les Arabes, c'est les meilleurs des fils de Adam alayhi salam. Donc, Nabi alayhi salam, les prophètes de manière générale, ils sont choisis de la meilleure lignée de leur peuple. Et Nabi alayhi salam, il est le maître des fils de Adam alayhi salam. عزيز عليه ما عنيتم auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, c'est-à-dire c'est difficile et c'est lourd pour lui ce qui est difficile et lourd pour vous. Subhanallah, la rahma qu'Allah a mis dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Ce qui est difficile pour nous, ce qui est gênant et pesant est gênant pour le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça dans cette religion on n'a pas eu la charge de quelque chose qui est plus que notre capacité. Allah nous a donné une charge inférieure à notre capacité. Alhamdulillah, pour la facilité dans la religion de l'islam. Harisun alaykum. Qui est plein de solitude pour vous. Harisun alaykum. C'est-à-dire, attaché à votre guidée, attaché à ce que vous soyez sauvés de l'enfer. Allah a déjà dit dans notre verset, Muhammadur Rasulullah. Al-Aya, wa ba'da hadhihi ash-shahada, 'ala al-'abdi an yuti'ahu fima amara, wa an yusaddiqahu fima akhbar, wa an yajtaniba ma 'anhu naha wa jazar, wa an yajtaniba ma 'anhu naha wa jazar, wa an la ya'budu Allah illa bima shara'a. فلا بد من هذه الأمور الأربعة. Donc après cette attestation que Muhammad est le messager d'Allah, le serviteur doit lui obéir dans ce qu'il a ordonné et il doit croire en la véracité des choses dont il nous a informé et il doit s'éloigner de ce qui nous a et délaisser ce qui nous a interdit et il ne doit adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Indispensable de ces quatre points. Lui obéir dans ce qu'il a ordonné, tel que salat, zakat et autres. Croire en la véracité des choses dont il nous a informés, que ce soit au sujet de l'au-delà, le paradis, l'enfer et autres. Et troisièmement, délaisser et s'écarter des choses qu'il nous a interdites et contre lesquels il nous a mis en garde, tels que la fornication, tels que le riba, tels que le zina ou le riba, et autres, parmi ce que le prophète nous a interdit. Et le quatrième point, c'est avec ces quatre points qu'on vérifie l'attestation Muhammad Rasulullah. C'est pas tu dis Muhammad Rasulullah et tu ne lui obéis pas. Tu dis Muhammad Rasulullah et t'apprends un hadith authentique et tu n'y crois pas. Tu dis, je ne peux pas croire en cela, car ce n'est pas logique, comme ils l'ont dit, comme ils le disent, les Mu'tazila, et ceux qui ont été touchés par leur égarement. Ou, tu dis, Muhammadur Rasulullah, et tu ne donnes aucune importance à ses ordres, et aux choses qu'il a interdites. Et également le quatrième point, de n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. Et non pas innover dans la religion et pratiquer les hérésies parmi les choses qu'Allah n'a pas légiférées. Le Nabi alayhi wa sallam a dit, « Man amila amalan laysa alayhi amruna, fa huwa rad. Man amila amalan laysa alayhi amruna, fa huwa rad. » Dans le sens de ce hadith, Quiconque effectue un acte sur lequel il n'y a pas notre commandement, ça sera rejeté. Et dans une autre version de ce hadith, quiconque invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ça sera rejeté. Ça sera rejeté. Et le dalil sur salat et sur zakat et l'explication du tawhid, c'est ça, la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il leur a été commandé cependant de n'adorer qu'Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de droiture. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Voilà la religion de droiture. Allah Azza wa Jalla dit: فَإِنْ تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront votre frère en religion. Et dans l'autre verset: فَإِنْ تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. S'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Et la preuve au sujet de Siyam, le jeûne, la parole d'Allah Azza wa Jalla: Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Les versets jusqu'à la parole d'Allah, Shahr Ramadan, le mois de Ramadan, c'est-à-dire que le jeûne est obligatoire et prescrit pour vous chaque année, le mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan. Et le dalil sur le hajj, c'est la parole d'Allah: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنْ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et le dalil en ce qui concerne le hajj, c'est dans le sens de ce verset, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la Kaaba. Et quiconque mécroit, Allah ne passe. Et quiconque mécroit, Allah se passe largement. Et quiconque mécroit, Allah se passe largement des mondes, c'est-à-dire de l'univers. Donc le hajj, il dit cher qu'il est obligatoire une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Pour le hadith, al hajj marratun, faman zada fahuwa tatawwu'. Le pèlerinage est une fois. Il n'est obligatoire qu'une fois dans la vie. Et quiconque en fait davantage, alors c'est un acte surrogatoire. C'est un acte surrogatoire. Voici les cinq piliers de l'islam. Donc nous allons nous arrêter sur ça. Je demande à Allah Azza wa Jal que ça me soit bénéfique et profitable à moi, ainsi qu'à tous mes frères et mes sœurs, qu'Allah nous accorde la science. L'ilm nafi', la science bénéfique et profitable, qui se traduit. C'est quoi la science bénéfique et profitable? C'est tout d'abord la science tirée du livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wasalam, avec la compréhension de Salaf Salih. Et deuxièmement, c'est la science que tu mets en pratique. Car on ne demande pas la science pour acquérir des connaissances et avoir un grand bagage. On demande la science afin d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, avec science, et de mettre en pratique ce que nous apprenons. Qu'Allah nous facilite à tous. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.